L'agence télégraphique centrale de Corée a publié un commentaire titré « Effort désespéré ». Elle a écrit notamment « Le 11 dernier, la bande d'Obama a désigné à nouveau 7 individus et 2 organes de notre pays comme objets de sanctions supplémentaires suivant le deuxième rapport du département d'État sur le problème des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée et la mesure du département de la trésorerie liée à ce rapport ». La publication de la sanction supplémentaire de l'administration d'Obama comme l'interdiction de l'entrée aux États-Unis et du négoce avec des Américains, le blocage des biens au sein des États-Unis et autres mesures dérisoires visent purement et simplement à ternir l'image de notre République vu l'actuel état des rapports coréo-américains. Ce n'est rien d'autre que les efforts désespérés de ceux qui sont au terme du mandat. Au lieu de tirer une leçon de l'erreur de l'administration de Bush qui nous a poussé à posséder les armes nucléaires, l'administration d'Obama s'est accrochée obstinément à la menace et au chantage nucléaire sans précédent et à la sanction et à la pression d'une extrême intensité en poursuivant la politique d'hostilité à l'égard de la République populaire démocratique de Corée. Elle avait cru absurdement que nous plierons à un moment donné et qu'elle pourrait voir l'effondrement de la Corée du Nord, mais le résultat est au-delà de son imagination. Enragée devant la situation catastrophique, elle recourt à la campagne des droits de l'homme dans notre pays. Les États-Unis, le pire violateur des droits de l'homme dans le monde, n'ont pas le droit de parler des droits de l'homme dans d'autres pays. Sans égard à toute prétention, nous défendrons jusqu'à la fin le socialisme à la coréenne où est appliquée parfaitement la primauté des masses populaires, incarnation suprême de la conception tutsé du peuple et de la philosophie du service du peuple.